Bismillah. On commence, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. On commence maintenant la sixième partie dans l'explication du livre Al-Mu'taqad al-Sahih. Al-Wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduhu. La bonne croyance ou la croyance authentique qui est obligatoire à chaque musulman. Et on est en train d'expliquer maintenant les piliers de la foi. Et on a commencé à expliquer le quatrième parmi les piliers de la foi, qui est la foi en les messagers. Donc on va compléter ce quatrième pilier, puis, Inch'Allah, aller jusqu'à le dernier pilier. Donc, bien entendu, ça c'est un résumé de la foi en les messagers, un résumé des piliers de la foi. Et qu'est-ce qui est bien avec cette risala du Cheikh Abdus Salam Ibn Burgess? C'est que la risala, elle est remplie de dalil, remplie de versets et de hadiths. Donc, c'est quelque chose qui est bénéfique pour le croyant parce que on sait que, en particulier les musulmans qui suivent la sunna, qui s'accrochent à la voie des salafs, eh bien, ils essaient toujours le maximum de ramener leur croyance aux preuves du Coran et de la sunna. C'est-à-dire qu'on tire notre croyance uniquement des preuves du Coran et des hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est bien donc, par rapport à ça, de toujours ramener les preuves et les exemples, les versets et les hadiths pour supporter notre aqidah. Contrairement aux gens de bid'ah qui parfois établissent leur croyance sur des choses qui sont autres que le Coran et la Sunna, soit ce qu'ils considèrent être irrationnel, ou ce qu'ils considèrent être basé sur des rêves, ou sur des songes, ou sur des visions, ou bien ils se basent sur les paroles de leur cheikh ou des paroles de personnes, mais qui ne sont pas des références. Donc c'est bien de toujours, donc c'est bien de d'avoir cette caractéristique de toujours se référer aux preuves. Et ça, c'est ce qu'on remarque dans les livres des gens de la Sunna, alhamdulillah. Donc, pour continuer, à l'endroit où on s'était arrêté, on expliquait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. Il a été envoyé pour toute l'humanité, pas seulement pour les Arabes, comme certains parfois qui disent l'islam c'est la religion des Arabes. Non, l'islam c'est pas la religion des Arabes. L'islam, c'est la religion pour toute l'humanité, sans exception. Et peu importe quelle origine tu es, quel peuple, de quelle région de la terre, de quelle couleur, de telle ethnie, ou de quelle langue tu parles. Si tu ne parles pas l'arabe, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être musulman, au contraire. L'islam, c'est pour tous les peuples, toutes les langues, toute l'humanité. Sauf que le Coran, il est révélé en arabe. Mais ça n'empêche pas que tous les peuples peuvent accepter le message de l'islam. D'accord? Et le cheikh, il dit ensuite que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme le dernier messager pour terminer et conclure la révélation. Et il y a un verset dans Surat al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasul Allah wa khatam an-nabiyyin. C'est-à-dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, par contre il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, c'est-à-dire le sceau S-E-A-U, celui qui vient pour clore, pour terminer et sceller la prophétie. C'est comme une lettre, par exemple, comment les gens écrivaient une lettre, par exemple, ils écrivent le message, après ils la plient comme ça, et ils mettent de la cire, hein, ils mettaient de la cire, puis ils prenaient leur bague ou quelque chose pour mettre les tentes dessus, hein, et la sceller. C'est ça en fait, sceller la lettre, ça veut dire, hein, quand elle est rendue, hein, elle est terminée. Donc ça veut dire que quelqu'un ne peut pas venir après, puis l'ouvrir et rajouter des choses ou enlever des choses. Non, c'est terminé. La révélation, elle est complète. Le verset le verset par rapport à la conclusion de la révélation, je vais vous le sortir tout de suite. Le cheikh, il l'a pas mentionné, mais je vais vous le sortir quand même. C'est dans le verset 40, dans Surat al-Ahzab. « Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasul Allah wa khatam al-Nabiyyin. » Donc il est le dernier des prophètes. Et il y a plusieurs hadiths qui ont été rapportés à ce sujet-là. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes, il dit, je suis le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. Donc si quelqu'un vient après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis il dit, moi je suis un prophète, ou je suis un messager, ça veut dire que c'est un kafir. Et celui qui croit en ce qu'il prétend, c'est-à-dire celui qui croit en la personne qui se dit prophète, ou qui prétend être un prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir lui aussi. Parce qu'il n'y a pas de messager, il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois il y a des gens, ils ne se disent pas prophètes ouvertement, mais ils le disent indirectement, ou ils disent des choses qui impliquent qu'ils se prétendent prophètes. Comme par exemple, certains parmi les shuyukh des soufis qui disent, moi je reçois des messages d'Allah, Allah il me parle directement, ou bien les anges viennent, ils me parlent, ils me révèlent des choses de la religion, ou bien certains même ils disent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient me voir en personne, il me parle, il m'explique la religion. J'ai pas besoin moi du Coran et de la Sunna, hein, je parle avec Allah directement. Ça c'est des gens qui disent pas nécessairement qu'ils sont des prophètes, mais le fait qu'ils prétendent que Allah leur parle, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur parle, que les anges leur parlent et qu'ils leur expliquent la religion directement, ça implique qu'ils se prétendent prophètes ou qu'ils pensent qu'ils sont des prophètes ou même parfois qu'ils sont meilleurs que les prophètes. Et ça c'est du kufr aussi. Donc il y a des groupes, par exemple ceux qu'on appelle les Qadianiyya ou bien Ahmadiyya, c'est une secte. Ils ont, je crois, même une mosquée ici à Québec. Et aussi, hein? Non? Il n'y en a pas? À Montréal, il y en a une maintenant, mais à la base, ils étaient ici en premier, je crois, ils étaient dans la région de Québec. En tout cas, je me rappelle à l'époque, il y avait un reportage qu'ils avaient fait sur les musulmans au Québec, et puis ils avaient mentionné justement une des mosquées des Ahmadiyya. Et je pense que c'était dans la région ici. Allahu a'lam. Peut-être que je me trompe. Mais n'empêche que, yani, c'est cette secte qui suit un homme qui s'appelle Mirza Ghulam Ahmad, qui s'est prétendu en Inde dans les années, je crois, 1500 ou 1800. Je ne me rappelle plus la date exacte. Il était en Inde et c'était un soufi. Hein, parmi les gens de la bid'a des soufis, et puis il s'est prétendu qu'il était prophète. Il a prétendu être le Mahdi en premier. Souvent c'est comme ça. Ils commencent, ils disent qu'ils sont le Mahdi, puis après ça ils disent qu'ils sont un prophète. Donc c'est très important donc de savoir que ces gens-là, c'est des kuffars, sont pas des musulmans et oui, c'est ça. Donc, il est né en 1835, pour être exact. Hein, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Donc, il est né dans un endroit en Inde qui s'appelle Qadian. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Qadianiyya. On appelle sa secte, la secte des Qadianiyya. Et si vous le voyez, vous voyez qu'il a l'air d'un égaré. Ça se voit même dans son visage. Et ils mettent sa photo dans... Ils ont une traduction qu'ils ont faite du Coran, et à l'intérieur, quand vous ouvrez, ils ont mis sa photo à l'intérieur. Et à l'intérieur de leur lieu de culte, là, ils mettent la photo de leur fondateur aussi. Et il est mort en 1908. Donc il est né en 1835, il est mort en 1908. Certains même ont mentionné que c'était le gouvernement anglais qui ont poussé pour propager ses croyances et qui le finançait en fait, pour justement opposer les musulmans qui sont sur la sunna et qui opposaient justement à l'époque la présence des Anglais dans la région. Donc les Koufars, c'est connu qu'ils financent beaucoup de sectes et beaucoup de groupes déviés pour justement contrer la propagation et l'avancement de la da'wa salafia ou bien de l'islam dans le monde. Et justement, ces gens-là, par exemple, les Qadianiyah, eh bien, ils ont beaucoup de mosquées ici au Canada. Je pense même qu'une des plus grandes mosquées au Canada, c'est la mosquée des Qadianiyah. Je pense qu'elle est à Edmonton, quelque chose comme ça. Ils ont dans cette région-là même une ville. Elle appartient à ces gens-là seulement. Oui, ils ont leur propre ville. Et ils sont reçus et accueillis par le gouvernement lorsqu'ils viennent en visite, comme des dignitaires. Comme si c'était des dignitaires, des gens, des représentants de l'islam. La même chose aussi à Aga Khan, un des chefs de la secte des Ismaïliyas. Quand ils viennent au Canada, ils sont accueillis comme il est accueilli comme un chef d'État, alors qu'il est chef d'aucun État. Et il donne la nationalité canadienne à n'importe quel Ismaïli qui vient. Juste, il débarque de l'avion, il lui donne directement la nationalité canadienne. Subhanallah. Donc c'est pour dire, ces gens-là, les koufars, ils les aident, ils les financent, ils leur ont donné même l'ancien musée de la guerre, ils l'ont donné à Aga Khan, ici à Ottawa, pour en faire un, soi-disant, un centre pour la pluralité, puis la paix, des choses comme ça. Alors que si on regarde l'histoire des Ismaïliens, on sait tout de suite que c'est des gens qui n'ont rien à voir avec la paix. Et combien d'assassinats ils ont fait des dirigeants musulmans, et justement ils sont connus par ce nom-là, les assassins. Le mot assassin, ça vient de eux. On les appelait en arabe al-hashishiyin. Le mot assassin en français, il vient de ce mot-là, en arabe. Al-hashish, parce qu'ils fumaient beaucoup de hashish. Ils appellent les hachachiyins, les assassins. Donc tout ça pour dire, Yanni, ces gens-là qui croient en des êtres humains, ils les élèvent au-dessus des prophètes, ils les suivent aveuglément en dehors d'Allah, les obéissent aveuglément en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là ne sont pas musulmans, même s'ils se prétendent musulmans. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des messagers, il n'y a pas de messager après lui. Il dit, وأخبر تعالى أنه أخذ العهد على النبيين. Ça aussi, c'est un point important. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris l'engagement avec tous les prophètes que si jamais une époque dans laquelle il y avait un prophète et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait pendant qu'il était vivant, qu'il allait avoir l'obligation de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et non seulement ça, mais il allait avoir aussi l'obligation d'ordonner à ses fidèles et à ceux qui le suivent de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi. Donc c'est-à-dire, si c'était l'époque de Moussa, si c'était l'époque de Isa ou n'importe quel autre prophète, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam serait venu en même temps que lui, il devait le suivre. Et suivre également, ordonner à ses fidèles de le suivre aussi. Et il dit, et ça c'est la preuve claire, que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier de tous les messages. Et qu'est-ce qui vient sceller la prophétie des messagers précédents et qui vient abroger tous les messagers qui ont précédé. Tous les messages qui ont précédé. Et il cite à ce sujet-là les versets 81 et 82 dans Sourate Al-Imran. dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ يعني ici c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets-là ce qui signifie, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement des prophètes, hein, que si il vous vient un livre ou une sagesse, un kitab wa hikma, si vous recevez un livre et une sagesse, puis que vous vient un messager, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vient confirmer ce que vous avez avec vous, que vous devez croire en lui et le supporter et le défendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, est-ce que vous acceptez cela, hein, et que vous prenez mon engagement par rapport à ça? Ils ont dit, nous acceptons. Aqrarna, on accepte. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a dit, alors soyez témoins et je suis parmi les témoins avec vous. Et donc il dit par la suite le verset suivant, et donc quiconque par la suite se détournera, alors ceux-là seront parmi les pécheurs, les pervers. Et ça c'est, on a dit les versets 81-82 dans surat Al-Imran. Donc ça veut dire que si un prophète était présent et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam venait, eh bien, il devait ordonner aux gens de le suivre et le suivre lui-même. Hein? Donc, il vient abroger tous les prophètes précédents et les messages précédents. Il dit وَقَدْ بَشَّرَ الرُّسُلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ. Donc, il a annoncé, Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé à tous les messagers la venue et le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, قال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 6 dans sourate As-Saff, et lorsque Isa ibn Maryam, le fils de Marie, Jésus fils de Marie, a dit, ô fils d'Israël, je suis pour vous tous, je suis pour vous le messager d'Allah, qui vient confirmer ce que vous avez de la Torah, et qui vient en même temps vous annoncer la venue d'un messager qui viendra après, et dont le nom sera Ahmed. Hein. Et lorsqu'il vint avec les preuves claires, c'est-à-dire lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec les preuves claires, ils ont dit ceci est une sorcellerie ou une magie évidente. Et il cite également les versets 156 à 157 dans sourate Al-A'raf, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. Donc dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il dit, il mentionne l'invocation des croyants qui disent écris pour nous, prescris-nous dans cette dunya des bonnes œuvres, le bien, et dans l'au-delà, nous revenons vers toi repentant. Il a dit mon châtiment, je frappe par celui-ci qui je veux, et ma miséricorde enveloppe toute chose, et je la prescrirai à ceux qui ont fait preuve de piété. Qui se sont préservés, qui ont préservé mes commandements et qui se sont préservés contre mon châtiment, ceux qui donnent la zakat et qui croient en nos signes, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils retrouvent mentionné par écrit dans la Torah et dans l'Injil. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné dans la Torah, il est mentionné dans l'Injil. Hein? Et comme l'imam Ibn al-Qayyim, il a mentionné ça, il a parlé de ça dans son livre, je ne me rappelle plus le titre de ce livre-là exactement, Hidayatul Hayara, je crois. Je pense que c'est le titre du livre, c'est Hidayatul Hayara, c'est un livre qu'il a écrit pour les chrétiens. Hein, et les juifs. Et dedans, il mentionne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été mentionné dans le Torah ou l'Injil, et également Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui a écrit un livre pour les chrétiens aussi, qui s'appelle Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih, c'est-à-dire la réponse authentique pour celui qui a falsifié ou changé la religion du Messie, c'est-à-dire Isa ibn Maryam. Et dans ce livre, il mentionne les références ou les versets dans la Bible qui parlent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le cheikh il explique, il est mentionné non pas par nom, mais par ses descriptions et par ses caractéristiques. Et ça, c'est plus important que le nom. Parce que on peut mentionner le nom de quelqu'un, ça c'est une chose, mais c'est pas quelque chose qui indique quoi que ce soit, parce que quelqu'un pourrait prétendre que son nom est tel nom, et puis ça voudrait pas dire qu'il est nécessairement le prophète. Mais quand il mentionne ses caractéristiques, hein, et bien là, quand on retrouve ces caractéristiques-là qui sont présentes, hein, dans la personne, et bien là, on peut savoir que réellement c'est de lui qu'il est question. Hein? Et il dit ensuite, le cheikh dit, wa fi sahih muslim an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walladhi nafsu muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi l'umma yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, hein, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en sa main, nul, hein, nul de cette umma, qu'il soit juif ou chrétien, entend parler de moi, hein, et meurt sans croire en ce avec quoi j'ai été envoyé, excepté qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Excepté qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Donc ça veut dire que si un juif ou un chrétien entend parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'il meurt et qu'il n'a pas accepté l'islam, eh bien il sera parmi les gens de l'enfer. D'accord? Ensuite, le cheikh il mentionne, il dit, donc quiconque renie ou dément le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qui dément que, par exemple, il soit venu pour tous les hommes, alors c'est comme s'il avait renié ou rejeté la foi en tous les messagers au complet, pas seulement en prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, tu vois, par exemple, les juifs, par exemple, ils ne croient pas en Isa, que c'est un messager d'Allah, Jésus, ils ne croient pas en Jésus, et ils ne croient pas non plus en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ne croient pas à l'Injil, ne croient pas à Al-Qur'an non plus. Donc, eux, ils sont kuffars. Les juifs sont des kuffars pour ça, parce qu'ils ne croient pas en les prophètes d'Allah, Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que les chrétiens, eux, ils sont kuffars du fait qu'ils ont non seulement fait du shirk avec Allah, en disant que Isa c'est le fils d'Allah, et en adorant Isa et en adorant les saints ou d'autres parmi les hommes pieux, ou bien en adorant Maryam, hein, mais également par le fait qu'ils ont renié le Coran, et ils ont renié aussi la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc par rapport à ça, ils ne peuvent pas être considérés comme étant des croyants, parce que quiconque renie la foi en un seul d'entre les messagers, c'est comme s'il avait renié tous les messagers au complet, sans exception, même le prophète en lequel il prétend croire. Hein? Donc si le juif, il ne croit pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne croit pas en Isa, c'est comme s'il ne croyait pas en Moussa alayhi salam. Parce que tous les messagers se sont, hein, supporté et ont annoncé les autres. Hein? Et ils croient tous les uns aux autres. Donc si un d'entre eux est renié, c'est comme s'ils étaient tous reniés. Et la preuve de ça, que le cheikh il a mentionné, hein, c'est le verset 105 dans sourate Ash-Shu'ara, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « وَكَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ » Et si vous prenez, et si vous faites attention à la formule, comment Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça, il dit que le peuple de Nuh a renié ou a démenti les prophètes, les messagers, al-mursalin, ceux qui ont été envoyés. Alors que, qui a été envoyé au peuple de Nuh? C'est Nuh seulement. Mais pourquoi dans ce cas-là, Allah dit, ils ont démenti les prophètes ou les messagers, les mursalin? Pourquoi? Parce que s'ils ont démenti un, c'est comme s'ils ont démenti tous. Hein? Et donc ça, c'est une des preuves que les ulama ont mentionné comme pour montrer que si tu renies un prophète, c'est comme si tu avais renié tous les autres. فَجَعَلَهُمْ مُكَذِّبِينَ لِجَمِيعِ الرُّسُلِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ نُوحًا رَسُولٌ. Il n'y a pas eu de prophète avant Nuh. Plutôt, il n'y a pas eu de messager avant Nuh. Et malgré tout, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِنِ الْمُرْسَلِينَ » Il mentionne « mursaline » au pluriel. Donc ça prouve que s'il nie un, c'est comme s'ils ont nié tous les autres. Et donc, comme ensuite il dit « Et quiconque prétend être un prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors hein, il prétend et il a rejeté la foi. Hein? » Parce que quiconque prétend être un prophète, quiconque prétend recevoir une prophétie quelconque après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il est kafir. Et il dit à ce sujet là le verset 40 dans sourate Al-Ahzab, le cheikh il dit walakin rasulallah wa khataman nabiyyin, khataman nabiyyin. Et les qadianiyya, comment ils prennent ce verset là? Comment ils prennent ce verset pour essayer de le déformer? Parce que quand tu leur dis ce verset, ça c'est une preuve claire qu'il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment ils font pour prendre ce verset-là pour le détourner? Ils disent khatim au lieu de khatam. Ils disent le verset c'est khatim, khatim al-nabiyyin. Hein? Comme si la bague. Comme si la bague des prophètes, en voulant dire la parure, la beauté des prophètes, et non le dernier, hein, non, et non le, dans le sens de sot. Donc c'est des gens, ils déforment le Coran hein, pour justifier leur égarement. L'amstan. Il dit wa fi sahih Muslim an Abi Huraira radiyallahu anhu an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal. فضلت على الأنبياء بست. Aussi il y en a qui prétend comme les, je me rappelle, il y a les Black Muslims aussi, il y a les Black Muslims, ceux qu'on appelle les Black Muslims aux États-Unis qui suivent Farrakhan maintenant, Louis Farrakhan qui est leur ministre, et qui prétendent que Elijah Muhammad hein, était le prophète qui avait été envoyé pour les Noirs aux États-Unis. Hein. Et ils prétendent que Elijah Muhammad a été déclaré prophète par celui qu'ils appellent Farad Muhammad, qui lui-même était, selon eux, Dieu. Hein, qui était lui-même Dieu, qui était venu en être humain sur terre. Pour choisir Elijah Muhammad comme prophète pour les Noirs américains. Allahu al-musta'an. Donc ça c'est clair que c'est du kufr. Hein? Et donc, tu vois l'égarement de ces gens-là, quand ils parlent avec des chrétiens, puis ils leur disent que Jésus n'est pas Dieu, puis après ils leur disent que Farad Muhammad est Dieu. Et ils disent, mais comment vous niez la divinité de Jésus aux chrétiens, et vous appelez les chrétiens à renier la divinité de Jésus, puis par la suite vous essayez d'affirmer que Farad Muhammad, un homme qui est inconnu, hein, vous dites que c'est un dieu. Et vous prétendez qu'il a choisi un nouveau prophète, après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils disent, comment ils, quand tu leur mentionnes le verset, Khatam al-Nabiyyin, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes, ils disent, oui, il est le sceau des prophètes, mais Elijah Mohammed n'est pas un prophète, c'est un messager. Hein? Comme si en voulant dire, il est le dernier, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes, mais Elijah Mohammed n'est pas un prophète, est un messager. Et la réponse à ça, si vous avez écouté tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a expliqué par rapport à la différence entre le prophète et le messager, on a dit que tout prophète est un messager, mais pas tout messager est un prophète. Tout prophète est un... Oui, c'est ça. Tout messager est un prophète, mais pas tout prophète est un messager. Donc, ça, ça réfute même qu'est-ce qu'il ramène, hein? Puisque tout messager est un prophète. Donc, si lui, il dit qu'il est que Elijah Mohammed, c'est un messager, ça implique qu'il est prophète automatiquement, parce que tous les messagers sont des prophètes. Donc, ça vient réfuter clairement qu'est-ce qu'ils prétendent. D'accord? Et donc, ce sont des koufars, ce ne sont pas des musulmans. Les black muslims ne sont pas des musulmans à cause de ça. Donc, n'importe quelle personne qui prétendrait qu'il est un prophète ou un messager, il est kafir. Il dit, « Wa fi sahihi muslim, an Abi Huraira radiyallahu anhu, an il Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aqal, fuddiltu ala l'anbiya'i bi sittin, u'titu jawami' al-kalim, wa nusirtu bil-ru'b, wa uhillat li al-ghanaim, وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. Donc le cheikh il explique, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, c'est rapporté dans Sahih Muslim, il dit, j'ai été préféré sur les autres prophètes par 6 choses. J'ai été préféré aux autres prophètes par 6 choses. On m'a donné Jawami'ul Kalim. Hein? J'ai reçu Jawami'ul Kalim. Qu'est-ce que ça veut dire Jawami'ul Kalim? Les ulama, ils ont expliqué que Jawami'ul Kalim, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire des expressions en peu de mots qui ont des grandes significations. Il n'a pas besoin de dire beaucoup de mots pour dire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il explique? Il dit wa nusirtu bil-ru'b, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala me donne la victoire par la crainte qu'il jette dans le cœur de mes ennemis. Hein? Même dans une autre narration, ça dit nusirtu bil-ru'b masirat ash-shahr, la distance d'un mois. C'est-à-dire même à distance, les gens, juste les koufars, ils entendent parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de sa venue, eh bien ils ont peur tout de suite. Allah jette la crainte dans leur cœur. Hein? Ensuite, le troisième qui est mentionné, « Uhillat li al-ghanaim », c'est-à-dire, Allah m'a rendu licite les butins de guerre. Parce que les prophètes précédents, ils ne pouvaient pas prendre le butin, ils devaient brûler. Hein? Tout ce qu'ils avaient comme butin, ça devait être brûlé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a permis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de profiter des butins de guerre. Il dit, « Uhillat li al-arda masjidan wa tahura ». C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la terre pour moi un lieu dans lequel on peut prier, un masjid. C'est-à-dire, toute la terre entière est une mosquée. Hein, tu peux prier dessus. Et tahouran, ça veut dire une chose par laquelle tu peux te purifier lorsque tu n'as pas d'eau. Tu peux utiliser la terre pour te purifier avec en faisant le tayammum. Ça, ce n'était pas donné à d'autres prophètes. Et il dit... Une autre particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ursil wa ursiltu ila al-khalqi kafatan. C'est-à-dire, j'ai été envoyé à toute la création, aux hommes et aux djinns. Tandis que les prophètes précédents, ils étaient envoyés seulement à leur peuple et non à tous les autres. Hein? Même Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa rasulan ila bani Israël. Il était un messager envoyé à Bani Israël, au fils d'Israël seulement. Même dans la Bible, au Nouveau Testament, c'est écrit, hein, je ne suis envoyé que pour la brebis perdue de la maison d'Israël. Hein, c'est écrit, c'est mentionné clairement. Après, ils ont changé ça. Hein? Après, Paul, il a changé ça. Il a adapté la religion pour les Grecs, pour les Romains, pour les autres peuples. Et c'est pour ça qu'ils ont annulé les règles de la Torah, puis tous les autres principes qu'ils suivaient, ils les ont abrogés. Et le dernier, les prophètes ont été scellés par moi. C'est-à-dire, c'est moi qui est venu terminer, clore ou sceller la série des prophètes qui a été envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité. Donc il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute personne qui vient, qui prétend qu'il est un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est kafir. En commençant par Musaylama al-Kadda, qui était venu à l'époque, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore vivant, quand il est venu et s'est prétendu prophète. Après, il y a eu une autre femme qui s'est associée avec lui, Sajjah, qui a prétendu elle aussi qu'elle était un prophète, se sont mariés ensemble. Il y en a Musaylama et Sajjah. Les deux se sont mariés ensemble, les deux faux prophètes. Finalement, Sajjah, elle s'est repentie, elle est revenue à l'islam. Mais Musaylama, lui, il est mort. Il y en a mécréant, apostat. Et il a été combattu. Finalement, par la suite, alhamdulillah. Puis après, il y en a eu plein d'autres qui sont venus, qui sont prétendus prophètes. Le prophète sallam, il a dit, même dans le hadith, dans un hadith, il a dit, il y aura plusieurs dajjal, plusieurs faux prophètes qui vont venir. Il a mentionné, je pense, dans le hadith 33, qui vont venir jusqu'à la fin du temps. Et donc, c'est pour dire qu'il y en aura beaucoup qui vont se dire prophètes, mais il a dit, je suis le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. Cheikh, il dit ensuite, donc quiconque renie le message d'un d'entre les prophètes parmi les messagers, les prophètes et les messagers, donc quiconque renie le message de l'un d'entre eux, il a renié la foi, il est kafir selon le consensus des musulmans. Et il cite par la suite le verset 150 à 152 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina walladhina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Donc dans ces versets là Allah subhanahu wa ta'ala il dit clairement, ceux qui renient la foi en Allah et en ses messagers et qui veulent séparer entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux et nous renions la foi en certains d'entre eux et qui veulent prendre une voie entre les deux voies, ils veulent prendre un chemin entre les deux voies. Eh bien, ceux-là sont les vrais mécréants. Al-kafirun haqqan. Et il dit, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Il dit, et ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers et qui n'ont fait de distinction entre aucun d'entre eux, alors ceux-là, ils recevront leur récompense. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Donc ça, c'est une preuve claire à ce sujet-là. Ensuite, il passe maintenant le cheikh à la foi en le jour dernier. Et quand on dit la foi en le jour dernier, ça veut dire la foi en tout ce qui se passe à partir du moment de la mort de la personne, à partir du moment que l'ange vient prendre ton âme, jusqu'à la résurrection et qu'est-ce qui se passe après. Le paradis ou l'enfer, le jugement, tout ça, ça fait partie de la foi en le jour dernier. D'accord? Et donc, il explique, le cheikh, il dit que la foi, donc, en le jour dernier, qu'est-ce qu'il y a au jour de la résurrection, et qu'est-ce qui se passe comme terreur et comme frayeur dans ces jours-là. Les gens de la sunna sont convaincus en cela, et ils croient à cela avec conviction. Donc ils disent pas comme les gens de l'égarement ou comme des groupes parmi les gens d'égarement. Ça c'est des choses symboliques, c'est pas réel. Il y a les sectes comme les Ismaïliens par exemple. Eux ils disent non, ce qui est mentionné par rapport au paradis, par rapport au l'enfer, par rapport au châtiment de la tombe, c'est pas vrai. C'est des choses symboliques, c'est des choses allégoriques. C'est pas réel. Non, ça c'est faux. Tout ce que Allah a mentionné par rapport à qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà, c'est des choses réelles. Et on est obligé de croire en ça comme étant des choses réelles et non pas symboliques ou allégoriques. Et il dit, le Cheikh, il cite un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَبِ الْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ » Verset 4 dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et il croit en l'au-delà avec certitude, avec yaqeen. Hein? » يُوْقِنُونَ. Le verset 87 dans Surat Al-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا » C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans ce verset-là ce qui signifie Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Hein? Nous allons certes vous réunir au jour de la résurrection, il n'y a à ce sujet aucun doute. Hein? Et qui est plus véridique en parole que Allah? Hein? Qui est plus véridique en parole que Allah? Et il mentionne dans le verset 85, dans Surat Al-Hijr, la parole d'Allah, وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ. Verset 85 dans Surat Al-Hijr. Acceptez en vérité. Et l'heure, sans aucun doute, arrivera. Pardonne-leur d'un beau pardon. Hein? Ou bien excuse-les d'une belle excuse. Bon. Ensuite, le cheikh, il parle de al-ba'th. Al-ba'th, hein, c'est-à-dire le fait d'être ressuscité. La résurrection, c'est ça que ça veut dire al-ba'th. Hein. Et il dit donc, ça fait partie des choses qui font partie de la foi en le jour dernier. Il faut croire qu'il y aura une résurrection. Allah va faire revivre tous les gens qui sont morts depuis Adam jusqu'à la fin des temps, le dernier des hommes qui est mort. Tous les êtres humains vont être ressuscités, hein, sans exception. Et il mentionne à ce sujet-là le verset 68 dans Sourate Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ » Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'on va souffler dans le clairon, et tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, excepté celui que Allah a voulu. Puis on soufflera dedans une autre fois, et les voilà qui seront debout et qui regarderont. Hein? Et il mentionne le verset 104 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alayna inna kunna fa'ilin » Dans le verset 104, dans Surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Comme nous avons débuté la création la première fois, nous allons la refaire. Hein, » C'est une promesse. Hein, c'est une promesse que nous faisons et nous allons certes le faire. Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter tous les hommes. Il va les recréer. Et donc les gens, ils se disent « Mais comment est-ce possible hein? ?» Parce qu'ils disent les êtres humains qui sont nés il y a des siècles et des siècles, et puis leurs corps sont décomposés dans la terre, peut-être même qu'ils font même partie de la terre, maintenant ils sont devenus des roches, sont devenus des pierres, sont devenus des minéraux, ou des métaux, hein, ou d'autres matières. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, كُنُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. Même si vous êtes devenu de la pierre, même si vous êtes devenu du métal ou des métaux, il va vous... ou bien une autre création. Hein, parmi les choses que vous pouvez considérer comme étant impossibles ou inconcevables, il va vous refaire. Même si vous avez été brûlé, carbonisé, hein, même si vous êtes digéré dans le ventre d'un lion ou d'un requin dans la mer, tu dis ouais mais là hein, on nous a avalé, il y a un lion là qui nous a mangé, notre corps a été digéré dans son estomac, hein, et puis nous a fait transformer en une autre matière, on est sorti, on est décomposé dans la terre par la suite, comment Allah il va nous recréer encore, est-ce que c'est possible? Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, tout ça c'est facile. De la même manière qu'il nous a créé la première fois, il va nous recréer encore. Naam. Et ça c'est, hein, comme il dit, wa huwa ahwanu alayhi. C'est encore plus facile pour lui la deuxième fois que la première. Comme les êtres humains, pour les êtres humains, quand on veut fabriquer un objet, une voiture, un appareil, un téléphone, le plus dur, le plus cher à faire, c'est lequel? C'est le premier, c'est le prototype. Hein? Les autres, après, ça marche, c'est à la chaîne. Hein? C'est juste l'assemblage. Mais le plus difficile, c'est de créer le premier modèle, l'exemple. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que c'est lui qui a créé, hein, l'homme. Et il dit, et il va le refaire, et c'est encore plus facile de le refaire. Il n'y a rien de difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala de toute façon. Donc il ne faut pas se poser la question à ce sujet-là. Hein? Toi tu dis, un être humain, aujourd'hui tu dis, ta jambe elle a été amputée. Tu dis, ah j'ai perdu ma jambe. On l'a enterré ta jambe. Hein? On l'a enterré dans la terre parce qu'elle est plus bonne. On l'a coupée, on l'a enterré dans la terre. Peut-être ta jambe est enterrée ici au Canada, après toi tu t'en vas en Afrique, ou bien tu t'en vas en Europe ou ailleurs, on enterre, quand tu meurs, on t'enterre, une partie de toi est en Europe, l'autre en Afrique, peut-être ta jambe elle est au Canada, tu dis mais comment Allah subhanahu wa ta'ala il va me rassembler? Non, ça c'est facile pour Allah, il ne faut même pas se poser cette question-là. Hein? Il va te rassembler comme il veut. L'exemple de l'homme qui avait fait beaucoup de péchés, il craignait Allah, hein? Mais il était ignorant. Hein? Et il a dit à ses enfants, « Oh mes enfants, quand je vais être mort, hein, brûlez mon corps et prenez les cendres, jetez une partie dans la terre et une partie dans la mer. Comme ça, hein, je vais pas être puni par Allah au jour de la résurrection. » Et au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a recréé comme il était. Hein, il est revenu à créer comme il était devant Allah, et il a posé la question, il lui a demandé, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as ordonné à tes enfants de faire ça? Et il a dit, oh Allah, j'avais peur, hein, à cause de mes péchés d'être devant toi pour être, hein, puni. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné à cause de sa crainte. Mais à la base, quelqu'un qui pense que Allah n'est pas capable de le recréer, ça c'est du kufr. Hein? À la base, si quelqu'un il pense que Allah n'est pas capable de le recréer parce qu'il est en cendre, hein? Ça c'est de la mécréance, parce que Allah il est capable de faire ça facilement. Hein? Donc il faut comprendre que, hein, Allah, il n'y a pas de choses qui sont trop dures pour lui. Ensuite, il mentionne la foi en les livres, hein? C'est-à-dire que les anges qui prennent en note ce que l'être humain fait comme péché ou comme bonnes œuvres, il y a l'ange à droite et l'ange à gauche qui note les actions des êtres humains. Et au jour de la résurrection, chacun il va recevoir son livre, soit par la main droite ou bien soit par la main gauche derrière le dos. Hein? وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Et dans une autre verset, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Donc, il y a les deux qui sont mentionnés par rapport aux gens qui ont fait des péchés ou qui ont désobéi à Allah ou qui ont été des mécréants ou des mouchriquins. Eux, ils vont recevoir leur livre par la main gauche. Bon, le cheikh, il cite les versets dans Surat Al-Haqqa dans lesquels il y a la mention de ça. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية إلى آخر الآيات. Donc ces versets là dans sourate Al-Haqqa, on va lire la signification de ces versets, c'est les versets 19 à 37. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets là il dit, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, hein, il dira, tenez, lisez mon livre, hein, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés, hein, dans la vie d'ici-bas. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans ton livre, hein? C'est pas quelqu'un qui l'a écrit, dans le sens que c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a écrit. C'est toi-même qui l'a écrit ce livre-là. C'est tes actions qui sont dedans. C'est pas les actions de quelqu'un d'autre. C'est pas une histoire qui a été fictive, inventée par quelqu'un. Non, c'est ton histoire à toi. Et qu'est-ce qui est dedans? C'est toi qui l'a écrit en réalité. Parce que tout ce qui est écrit dedans, c'est ce que tu as fait. Que les anges ont retranscrit seulement. Tu veux que ton livre soit bon. Tu veux que ton histoire soit bonne. Tu veux que ton livre soit remis dans ta main droite. Alors fais les choses de bien. Obéis à Allah. Ton livre, il sera bon. Mais sinon, hein, il dit, sinon tu reçois le livre de la main gauche et tu souhaites que tu ne l'aurais pas reçu. Il dit, hein, il cite le verset ensuite qui signifie, hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort soit, hein, la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie ensuite, saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Vous savez c'est quoi un carcan, hein? J'avais parlé de ça la dernière fois. Un carcan, c'est un truc là qu'on met autour du cou et pour les mains, hein, deux planches de bois avec une place pour le cou, puis pour les mains, puis on le ferme, la personne est bloquée. Hein, vous comprenez? C'est ça un carcan. Allah musta'an. Un carcan, ensuite brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées. Hein? Une coudée, c'est comme la distance d'un avant-bras. Comme ça, 70 coudées. Subhanallah. Car il ne croyait pas en Dieu, le très grand. Il n'incitait pas à nourrir le pauvre. Il n'y a pour lui ici, aujourd'hui, point d'amis chaleureux pour le protéger, ni d'autre nourriture que du pu. Hein, que seuls les fautifs mangeront. Al-Rislin. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a la question des balances qui seront établies au jour de la résurrection, dans lesquelles Allah va placer nos bonnes œuvres et nos péchés, hein, et il va mesurer, hein, le poids de ces actions-là. Et celui dont la balance sera lourde en bonne action, il sera parmi ceux qui ont le succès. Celui dont la balance sera lourde en mauvaise action, ou dont les bonnes actions seront légères, eh bien, il sera parmi les perdants. Hein? Allah musta'an. Et c'est le verset 102 à ce sujet-là dans Sourate Al-Mu'minun. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Donc la balance, ça fait partie des éléments réels. Il faut croire en ça. C'est pas comme les Mu'tazila qui disent non, il n'y a pas de balance, c'est juste la justice d'Allah. La balance c'est symbolique ou allégorique. Non, il y a une réelle balance qui pèse les actions, qui pèse les personnes, qui pèse les actions aussi. Non. Et Allah ne fera d'injustice à personne. Hein? Il dit ensuite, Al-Shafa'a, l'intercession. Il y aura une intercession au jour de la résurrection pour les gens qui ont fait des péchés. Certaines personnes, certains prophètes, certains hommes pieux vont pouvoir intercéder pour des pécheurs ou pour d'autres qui ont commis des fautes ou qui méritent un châtiment pour que Allah ne les châtie pas, pour que Allah les fasse entrer au paradis et ainsi de suite. Et donc, le cheikh, il mentionne à ce sujet-là qu'il faut croire donc en l'intercession. au jour de la résurrection, et qu'il y a différentes sortes d'intercession, pardon. Il y a la grande intercession, Shafa'atul Uzma, pour toute l'humanité. C'est l'intercession qui est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et c'est qu'est-ce qu'on appelle al-maqam al-mahmoud, hein? le statut ou le statut de gloire. Et c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va intercéder au jour de la résurrection pour que le jugement débute. Hein? Et les hommes, comme c'est mentionné dans le hadith, au jour de la résurrection, ils sont tous debout, ils attendent, et le soleil est proche de leur tête, les gens sont dans leur sueur, et ils attendent le jugement. Donc chacun, ils disent, mais il faut demander à quelqu'un pour qu'il intercède auprès d'Allah pour nous. Et ils vont vers Adam, ensuite ils vont vers Ibrahim, ensuite ils vont vers Nuh, ensuite ils vont vers Ibrahim, ensuite ils vont vers Moussa, ensuite ils vont vers Isa, et chacun d'entre eux, il dit, non, je peux pas, hein, je peux pas intercéder. Puis à la fin, ils vont au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est finalement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répond et qui dit ana laha, et il va se prosterner devant le trône d'Allah et l'invoquer par des paroles que Allah lui inspire à ce moment-là. Et finalement, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la permission de se lever, hein, et d'intercéder et de demander. Et à partir de ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande que Allah subhanahu wa ta'ala débute le jugement. Et à ce moment-là, donc, tous les êtres humains sont soulagés de l'attente, hein, parce que c'est un jour qui dure 50 000 ans. Et il y a ensuite également une intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi qui est spécifique au prophète. C'est la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que les portes du paradis soient ouvertes pour les gens du paradis. Parce que lorsque les gens arrivent devant la porte, et la porte est fermée. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui demande à ce que la porte soit ouverte. Et quand il frappe, on demande qui est-ce, et quand il dit c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, eh bien les anges répondent, c'est à toi qu'on m'a ordonné de ne pas ouvrir à personne d'autre, hein, que toi. Et donc les portes sont ouvertes pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite les croyants peuvent rentrer dans le paradis. Parmi les intercessions, il y a aussi l'intercession pour alléger le châtiment de celui qui mérite le châtiment, et ça c'est également une intercession spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et c'est-à-dire par exemple l'exemple de Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il intercède pour son oncle Abu Talib pour qu'il lui allège le châtiment dans l'enfer, parce que il est mort mushrik. Mais c'est le seul intercession qui sera permise pour un mushrik dans l'enfer, pour qu'on lui allège son châtiment. Et il dit que parmi les exemples de ça, comme c'est mentionné dans un hadith, que le cerveau lui bouille, hein, il a les pieds dans des chaussures de feu qui font bouillir son cerveau, hein, à cause de la chaleur de ça. Et ça, il pense que c'est lui qui a le plus grand châtiment dans l'enfer, alors que c'est lui qui a le moindre châtiment. Hein? Il dit aussi qu'il y a parmi les intercessions, l'intercession pour élever les degrés des gens du paradis. Donc si quelqu'un, par exemple, qui était à un degré plus bas, eh bien, il y aura l'intercession, hein, qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que leur degré soit élevé et qu'ils soient plus haut dans le paradis. Et certains ont mentionné que ça, c'est pas spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que d'autres pourront faire aussi cette intercession là parmi les prophètes et les intercesseurs au jour de la résurrection. Il y a aussi l'intercession pour les gens parmi les gens du tawhid, les musulmans qui ont fait des péchés et qui ont fait des kaba'ir, pour qu'ils puissent entrer au paradis, hein? C'est-à-dire que ceux qui sont parmi les pécheurs, parmi les musulmans, et qui sont rentrés en enfer à cause de leurs péchés, pour qu'ils puissent en sortir et rentrer au paradis. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les autres messagers et les anges et les pieux et les martyrs vont pouvoir intercéder pour ceux-là, pour les faire sortir de l'enfer. Et il dit wal Qur'an wa siyam shafi'an li ashabihima yawm al-qiyamah. Donc le Coran va intercéder pour les gens, de même que le jeûne que quelqu'un a jeûné va intercéder pour ceux qui ont jeûné et qui ont récité le Coran au jour de la résurrection, de même que les enfants des croyants vont pouvoir intercéder pour leurs parents au jour de la résurrection. Aulad al-mu'minin shufa'a li aba'ihim. Il y a aussi parmi les éléments de la foi la foi en Al-Hawd. Il faut croire qu'il y aura une fontaine ou un bassin au jour de la résurrection, et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a reçu ce bassin dans lequel il y a un breuvage pour les croyants dont la blancheur est plus blanche que le lait et dont le goût est plus sucré que le miel et dont l'odeur est plus plaisante que l'odeur du misc. Et celui qui en boira une seule gorgée n'aura plus jamais soif par la suite, hein? Et surtout après avoir eu cette attente, hein, très longue, hein? Très longue au jour de la résurrection, en attendant le jugement, et le jugement et la chaleur et tout ça. Donc ils sont heureux, les croyants, à ce moment-là, hein, de pouvoir justement boire de ce breuvage. Et il dit wa as-sirat, il y a aussi un pont qui est établi sur l'enfer et que les êtres humains doivent traverser pour justement pouvoir aller au paradis. Et ceux qui n'ont pas suffisamment de bonnes œuvres, hein, ou bien qui ont fait des péchés, ils vont être pris par les crochets qui vont les jeter dans l'enfer. Et les gens vont traverser ce pont-là à la vitesse de leur foi, qui correspond à leur foi. Hein? Donc les gens vont passer selon leurs actions, hein, sur ce pont-là. Certains vont traverser comme l'éclair. D'autres vont traverser comme le vent, la vitesse du vent. D'autres vont traverser comme un oiseau, la vitesse d'un oiseau, hein, et ainsi de suite. D'autres comme un cheval à la course. D'autres vont marcher, d'autres vont ramper, hein, et d'autres vont tomber dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se tenir sur le pont et il invoque Allah et il implore Allah de sauver et d'épargner les musulmans. Il dit « Ya Rab, sallim, hein, fais-leur, hein, épargne-les, fais-leur, ne les fais pas tomber. » Donc il dit jusqu'à ce qu'un homme, par exemple, qui ne sera pas capable de continuer à avancer, hein, il sera pris par des crochets qui vont passer sur le pont et qui vont les jeter dans l'enfer. Il dit wa fi janibay as-sirat, donc sur les deux côtés du pont, kalabib mu'allaqa wa ma'mura. Donc il y a des crochets qui sont de chaque côté, qui sont accrochés de chaque côté du pont et qui sont ordonnés, hein, qui reçoivent des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont accrocher des gens bi'akhdhi man umirat bihi, ils vont accrocher ceux qu'ils ont été ordonnés d'accrocher. فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمُكَرْدَسٌ فِي النَّارِ. Donc certains vont être sauvés, d'autres vont être jetés dans l'enfer. Il dit وَنُؤْمِنُ بِكُلِّ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Donc tout ce qui a été mentionné comme élément de crainte et de peur par rapport au jugement dernier, il est obligatoire d'y croire. Et parmi ces éléments-là, la foi en le adab al-qabr, le châtiment de la tombe et les délices de la tombe, Ça aussi, ça fait partie des choses qui ont rapport avec la foi en le jour dernier. Hein? Et il faut y croire aussi. Également, le cheikh, il mentionne la foi, hein, le qadar, et qui est le sixième pilier parmi les piliers de la foi. Et c'est le dernier des piliers de la foi. Et c'est un aspect vraiment important de la foi en l'islam, qui est directement relié avec la foi en l'unicité d'Allah et le tawhid. Le qadar, ça a un lien direct avec le tawhid. Parce que c'est la puissance d'Allah, la toute-puissance d'Allah, la connaissance d'Allah, hein, et la volonté d'Allah. Le cheikh, il explique, il dit, وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ وَبِالْقَضَاءِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Donc il faut croire en le décret divin et la prédestination. Et ça implique que tu dois y croire, savoir que c'est la vérité, et croire de façon certaine que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné le destin des créatures. Et ce que Allah veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Masha'Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 49 de sourate Al-Qamar, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Toute chose nous l'avons créée selon une juste mesure. Et il dit également dans le verset 38 dans sourate Al-Ahzab, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Verset 38 dans sourate Al-Ahzab, et l'ordre d'Allah, hein, est par sa prédestination. Il a prédestiné toute chose. Il dit qu'il y a quatre degrés parmi les degrés du Qadar. Et donc le croyant, il doit comprendre et croire en ces quatre degrés. Les quatre degrés sont les suivants. La connaissance d'Allah, l'écrit, c'est-à-dire que tout ce que Allah a prédestiné, il a écrit, et également de croire que tout ce qui arrive, c'est par la volonté d'Allah, Allah l'a voulu, et également de croire en le fait que tout ce qui s'est produit, c'est Allah qui l'a créé. Donc ça, c'est les quatre maratib, les quatre degrés. Et pour que quelqu'un ait une foi en la prédestination qui est complète, il faut qu'il ait cru en ces quatre degrés-là. Donc, le premier degré, al-ilmu, le shaykh dit, فَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de toutes choses. عَلِمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ وَكَيْفَ يَكُونَ بِعِلْمِهِ الْأَزَلِيِّ الْأَبَدِيِّ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a la connaissance de toutes choses, il sait ce qui était dans le passé, et il sait ce qu'il y a dans le présent, et il sait comment sera l'avenir. Hein? Il sait tout ce qu'il y a dans l'avenir, dans sa connaissance éternelle de toutes choses. فَلَا يَتَجَدَّدُ لَهُ عِلْمٌ بَعْدَ جَهْلٍ وَلَا يَلْحَقُهُ نِسْيَانٌ بَعْدَ عِلْمٍ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas touché par l'ignorance et il n'est pas touché non plus par l'oubli. Et les ulama, ils disent ça dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, sa science, elle n'est pas précédée d'ignorance. Sa science, elle n'est pas précédée d'ignorance, hein, contrairement à l'être humain. Et il dit, comme deuxième degré, il y a Al-Kitaba. Al-Kitaba, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit la destinée de toutes les créatures avant la création des cieux et de la terre, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, comme c'est mentionné dans le hadith authentique. Il a tout écrit dans la table préservée, qu'on appelle en arabe Al-Lawh Al-Mahfouz, la table préservée. Et il a écrit dans cette table préservée tout ce qu'il va se produire jusqu'à la fin des temps. Comme il a dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rufi'ati l'aqlam wa jaffati s-suhuf ». Les plumes ont été soulevées et l'encre a séché. Les pages ont séché. Et il dit, donc tout ce qui va se produire jusqu'au jour de la résurrection, ça a déjà été écrit. Il cite le verset 70 dans Surat al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi s-sama'i wal-ard. Inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allah yasir. » Il dit « ne savez-vous pas que Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre ? Cela est dans un livre et cela est certes facile à Allah. » Il mentionne le verset aussi 51 et 52 dans Surat Taha, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Il dit et que dire des générations, les premières générations, il a dit la connaissance à leur sujet est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne s'égare ni n'oublie. Mon Seigneur ne s'égare ni n'oublie. Donc Allah, il n'oublie rien. Hein? Et il dit également, il cite le verset 12 dans Surat Yassin, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Et toute chose a été enregistrée dans un guide clair, c'est-à-dire dans un livre clair. Et il y a aussi d'autres versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha. Surat al-Hadid. Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a rien qui vous atteint sur la terre ni dans vos personnes excepté que c'était écrit dans un livre avant même que nous l'ayons créé. Hein? Et ça c'est facile à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ. Pour pas que vous soyez déçus de ce qui vous a échappé et pour pas que vous réjouissiez de qu'est-ce que Allah vous a donné. Donc vous allez avoir, à cause de la foi en Al-Qadar, vous allez être avoir une réaction équilibrée. Vous n'allez pas être dans l'état des kuffars, des mushrikins, quand il leur arrive un malheur ou quelque chose, ils perdent le contrôle, ils perdent l'espoir, ils veulent peut-être même se suicider, ou bien ils pensent que ce qui est arrivé dans un accident, c'était leur faute. Hein. Ils disent, ah, c'est de ma faute que telle personne est... Si j'avais pas fait ça, il n'y aurait pas eu ça. Si j'avais pas fait ça, il n'y aurait pas eu ça. Non, ça c'est Allah qui l'a prédestiné. Ça devait arriver comme ça. Donc toi, tu dois juste te soumettre à Allah et accepter qu'est-ce qu'il a prédestiné. Il dit qu'il y a un taqdir. Il y a différents taqdir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que l'écriture de qu'est-ce qui a été prédestiné, il y a un taqdir al-azali. C'est qu'est-ce qui est dans la table préservée. Allah, il a écrit dans cette... Il a écrit tout ce qui allait se produire jusqu'à la fin des temps. Il y a At-Taqdir al-Umari, lorsque l'ange écrit la destinée de la personne. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque le bébé il est dans le ventre de la mère, lorsqu'il est dans le ventre de la mère, il envoie l'ange pour insuffler l'âme dans le fœtus et il écrit à ce moment-là quatre choses, c'est-à-dire sa subsistance, son terme et ses actions. Est-ce qu'il sera heureux ou malheureux? Et il y a At-Taqdir al-Hawli, c'est-à-dire on écrit pendant la nuit de la destinée tout ce qui va se produire pendant cette année-là. Ça c'est mentionné dans Surat Ad-Dukhan. Allah il dit dans le Coran, dans ce verset-là, « Fiha yufraqu kullu amrin hakim » Dans cette nuit, toute chose, tout ordre sage est écrit, donc, comme Ibn Abbas, il le dit, yuktabu, min ummil kitabi fi laylatil qadr ma yakun fi sana, min mawtin wa hayatin wa rizqin wa matarin, hatta al hujjaj, yuqalu yahujju fulan, wa yahujju fulan. Ibn Abbas, il dit, À chaque année, pendant la nuit de la destinée, on écrit ce qui va se produire pendant cette année-là. Et ça, c'est tiré de Ummul Kitab, c'est-à-dire de la table préservée. Hein? On écrit cette année-là, qu'est-ce qui va se produire pendant la nuit de la destinée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va y avoir comme mort, qu'est-ce qu'il va y avoir comme naissance, comme vie, qu'est-ce qu'on va recevoir comme risque, qu'est-ce qu'il va y avoir comme pluie. Même, qui va faire le hajj cette année-là? Un tel va faire le hajj, un tel va faire le hajj. Tout ça, c'est écrit pendant la nuit de la destinée. Al-taqdir al-hawli, c'est-à-dire, on écrit la destinée de qu'est-ce qui va se produire pendant cette année-là. Et il y a al-taqdir al-yawmi, qu'est-ce qui se produit à chaque jour. Hein? Ça aussi, c'est écrit. Comme Allah le dit dans le verset 29 dans Surat al-Rahman, « Kulla yawmin huwa fi sha'n ». Hein, chaque jour, hein, il y a des choses qu'il fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il gère des choses chaque jour. Donc il dit, fat taqdir al-yawmi, tafsilun min at-taqdir al-hawli. Donc c'est comme si il y a la table préservée dans laquelle il y a toute la destinée de la création qui est mentionnée jusqu'à la fin des temps. Puis à partir de celle-là, on désigne qu'est-ce qui va arriver chaque année, qu'est-ce qui va arriver pendant la vie d'une personne, qu'est-ce qui va arriver chaque année, qu'est-ce qui arrive chaque jour. Mais tout ça, c'est en accord avec ce qui est dans la table préservée qui détermine la destinée de tout l'univers jusqu'à la fin des temps. Il dit, taqdir al-yawmi, تفصيل من التقدير الحولي والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري c'est ça. Donc il explique, le cheikh dit qu'est-ce qui est dans le taqdir de chaque jour est tiré de qu'est-ce qui arrive dans chaque année. Et qu'est-ce qui est écrit dans qu'est-ce qui arrive chaque année, c'est tiré de qu'est-ce qui arrive dans la vie d'une personne. Et qu'est-ce qui est tiré de la prédestination de la vie d'une personne est tiré de qu'est-ce qui est mentionné dans la table préservée, et ainsi de suite. Il a mentionné aussi Kitabatul Mithaq Yawm Alastu Bi Rabbikum. Oui, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a tiré de la descendance ou du dos de Adam toute sa descendance parmi ses enfants. Il les a fait témoigner contre eux-mêmes qu'il était leur Seigneur, et ils ont dit nous témoignons. Qalu Bala. C'est le verset 172 dans surat Al-A'raf. Il a dit wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va pas prendre les êtres humains pour compte par rapport à ce témoignage là, même si Allah les a fait témoigner avant même qu'ils soient au monde, qu'il est leur Seigneur. Mais il ne va pas les punir par rapport à ce témoignage précédent-là. Puisque Allah dit dans le Coran, « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » Nous n'allons pas les châtier un peuple ou des gens jusqu'à ce qu'ils aient reçu un messager. Donc, qu'est-ce qui va déterminer que les gens sont mukallafin et qu'ils seront pris pour compte pour leurs œuvres? C'est après avoir reçu un messager. Ensuite, il explique, il dit, وهو تفسير التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith que la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'est la plume. Ou bien certains ont dit, c'est-à-dire ça signifie lorsque Allah a créé la plume en premier, la première chose qu'il lui a ordonné de faire, c'est d'écrire. Et elle a dit, qu'est-ce que je dois écrire? Et Allah lui a dit, écris tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'est la prédestination qui a été écrite 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Comme c'est mentionné dans le hadith, il dit وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل فانتهت الأوائل إلى أوليته وانتهت الأواخر إلى آخريته. Ok. Après, il parle ensuite du troisième degré parmi les degrés de la prédestination, c'est la volonté. Donc, le premier, c'est la science infinie d'Allah. Le deuxième degré, c'est l'écriture. Allah a tout écrit. Le troisième degré, c'est la volonté, al-mashi'a. C'est-à-dire que on doit croire que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tout ce qui se produit dans les cieux et sur la terre, c'est Allah qui l'a voulu. Il n'y a rien qui se produit excepté que c'est Allah qui l'a voulu. Peu importe que ce soit quelque chose que tu penses ou que tu considères que c'est bon ou que c'est pas bon, c'est Allah qui l'a voulu. Donc peu importe que ce soit quelque chose qui se produit dans le monde, que ce soit au niveau de ta vie personnelle, au niveau de l'univers au complet, ou au niveau du pays, ou au niveau dans le monde entier, peu importe qu'est-ce qui se produit, à chaque moment, à chaque instant, si ça se produit, ça veut dire que c'est Allah qui l'a voulu. Il n'y a rien qui sort de la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce que Allah veut est, ce qu'il ne veut pas n'est pas. Et il dit, il cite le verset 82 dans sourate Yassine, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Il dit son ordre, c'est uniquement lorsqu'il veut quelque chose, il n'a uniquement qu'à dire soit et c'est. Le verset 253 dans sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa law sha'a Allahu maqtatalu. C'est-à-dire, si Allah aurait voulu, il ne se serait pas battu, il ne se serait pas combattu. C'est-à-dire, tu peux dire ça de tout ce qui s'est produit dans l'univers, ce qui s'est produit dans l'histoire de l'humanité. Si Allah n'aurait pas voulu, ça ne se serait pas produit. Des fois, tu peux voir que certaines choses, Allah permet que certaines choses se produisent. Et ça fait partie de la sagesse d'Allah. Donc, tu dois savoir que si Allah veut quelque chose, ou il veut que quelque chose se produise dans la création, ça ne veut pas nécessairement dire que Allah aime cette chose-là. Et c'est là que vient l'importance de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à la création des livres pour faire connaître à l'humanité ce qu'il veut réellement, dans le sens qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il a légiféré. Et c'est pour ça que pour savoir ce que Allah aime, tu dois te référer à sa révélation. Tu ne dois pas te révéler à la prédestination ou à la création. Comme par exemple, tu ne peux pas utiliser le fait que quelque chose, Allah a été, quelque chose a créé. Allah a créé quelque chose, tu dis, ah mais si Allah ne l'aurait pas voulu, ne l'aurait pas aimé, il ne l'aurait pas créé, ça ne veut pas dire ça. Peut-être que Allah l'a créé pour une autre raison, ou dans un autre but, ou pour une sagesse. Hein? Peut-être que toi, tu ne comprends pas cette sagesse. Peut-être que tu la comprends, peut-être que tu la comprends pas. Hein? Comme si par exemple quelqu'un va dire, ben, Allah il a créé la marijuana. Ça veut dire qu'il aime ça, donc on a le droit de le fumer. Non, c'est pas parce qu'il a créé que ça veut dire que c'est permis ou que Allah l'aime. Peut-être qu'il a créé juste pour te tester. Hein? Pour voir qui allait être sincère, croyant. Il y a quelqu'un qui a frappé, je sais pas si... Il y a un frère qui... Oui. Également la même chose pour le porc. Hein, certains disent, ouais, mais le porc, c'est pas haram. Si c'était haram, Allah ne l'aurait pas créé. Hein? Non, ça ne veut pas dire que parce qu'Allah l'a créé, que ça veut dire que c'est permis. Qui est-ce qui parle comme ça? C'est les gens ignorants. Hein? Les gens qui ne comprennent pas la révélation d'Allah ou qui ne comprennent pas la religion d'Allah. On ne peut pas justifier un acte par le fait que Allah l'ait créé ou qu'il l'ait permis que ça se produise. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Iblis. Il a permis qu'il y ait du shirk ou du kufr qui se produise. Hein? Il a permis qu'il y ait des crimes ou des choses qui se produisent. Mais ça ne veut pas dire que Allah aime ces choses-là. Mais il les a permis parce que c'est pour faire en sorte qu'il y ait son plan qui soit exécuté et pour faire apparaître qui sont les gens qui aiment le bien et qui défendent le bien et qui sont les gens qui aiment le mal et qui font le mal. Hein? Et sinon, il n'y aurait pas eu de test. Allah a voulu qu'il y ait la pauvreté. Il a voulu qu'il y ait des riches, il a voulu qu'il y ait des pauvres. Hein? Pourquoi? Parce qu'il veut que les êtres humains soient généreux, que les riches partagent avec les pauvres, qu'il y ait de l'entraide entre les hommes. Si tout le monde était égal, ou tout le monde aurait été riche, il n'y aurait pas eu de pauvres, comment on aurait su qui est généreux, qui ne l'est pas? Hein? Et donc, cette vie-là, c'est un test. Et Allah a voulu qu'il y ait ces choses-là par sa sagesse, pour mettre les hommes à l'épreuve, hein, et pour les tester. Donc, il faut comprendre bien comme il faut ce sujet-là. Après, le Cheikh, il mentionne le verset 35 dans Surat Al-An'am, dans lequel il dit « وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى » Si Allah aurait voulu, il les aurait tous rassemblés sur la guidance. Il n'y aurait pas eu de kuffar. Tout le monde aurait été mu'mini. Allah, il a voulu qu'il y ait des kuffar, qu'il y ait des mushrikins, qu'il y ait des kuffar, qu'il y ait des mu'mini, qu'il y ait des croyants aussi. Hein? Il dit dans le verset 118 dans Surat Hud, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 118 dans Surat Hud, et si ton Seigneur aurait voulu, il aurait fait de tous les hommes une seule communauté croyante. Hein, une seule communauté. Tout le monde aurait été des mu'minis. Mais il a voulu qu'il y ait des kuffars pour qu'il y ait une épreuve, pour qu'il y ait un test. وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 13 dans sourate As-Sajda, dit, et si nous aurions voulu, nous aurions donné à chaque âme sa guidance. Mais la parole s'est avérée vraie de ma part. La'amla'anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in. Je vais remplir l'enfer des djinns et des hommes. Et il dit, وَقَالَ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Verset 44, dans Surat Fatir. Il dit, il n'y a rien qui peut ramener Allah à l'impuissance, ni dans les cieux, ni sur la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a voulu quelque chose, il n'y a personne qui peut l'empêcher. Personne qui peut l'empêcher. Ensuite, il mentionne le quatrième degré parmi les degrés du Qadar, et c'est le degré de la création. Il y a un seul créateur. Il n'y a pas deux créateurs ou plusieurs créateurs. Hein? C'est Allah qui a tout prédestiné. Et il n'y a pas, comme les Majus qui croient qu'il y a un créateur pour le bien, un créateur pour le mal, ou un dieu pour le bien et un dieu pour le mal. Hein, les Zoroastriens, ils ont cette croyance-là qu'il y a Ahura Mazda, c'est le dieu du bien, le dieu de la lumière. Ils le représentent par le feu. Et donc, ils prient, des fois, ils adorent le feu à cause de ça. Et il y a le dieu du mal, des ténèbres et de la noirceur. Hein. Il dit qu'il y a le dieu qui a créé le bien, le dieu qui a créé le mal. Non, Allah, il a tout créé. Et même dans le mal que tu vois, toi, qu'est-ce que tu vois comme étant mal? Eh bien, Allah, il a créé dedans, même dans ce mal-là, il a créé du bien. Ou bien plutôt, il l'a créé pour un but et une sagesse qui est bonne. Peut-être que tu ne le vois pas, mais Allah, lui, il le sait. Tu dis, Iblis, il est que du mal, il fait que du mal. Le shaitan, il fait que du mal. Pourquoi il l'a créé? Hein? Eh bien, même dans le mal de Iblis, Allah l'a créé pour un bien. Une sagesse qui est bonne. Hein? Il rentre dans le plan d'Allah qui, à la fin, est bon. Hein? Et que son rôle dans la raison pour laquelle Allah l'a créé, il y a du bien dedans. Peut-être que toi, tu ne le vois pas, mais Allah, il le sait. Ensuite, le Cheikh, il dit donc que Allah a tout créé. Il n'y a pas d'autre créateur que lui. Et il a tout créé. Et il cite, il dit qu'il a créé, il nous a créé nous, et qu'est-ce qu'on fait? Nos actions aussi, il les a créées. Il cite le verset 96 dans Surat Safat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloum » Allah vous a créé, vous, et ce que vous faites. Hein? « Wallahu khalaqakum وَمَا تَعْمَلُونَ. Allah vous a créé et ce que vous faites aussi. Et le verset 62 dans sourate Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses et il est sur toutes choses garant, le garant. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui sort de la création d'Allah, peu importe. Hein? Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce que les créatures ont inventé ou fabriqué, tout ça c'est Allah qui l'a créé. Hein? Que ce soit quelque chose que on considère comme étant bon ou mauvais, hein? C'est Allah qui l'a créé. Et donc des fois il y a des choses, par exemple tu dis, mais comme si même les bactéries, les virus, les maladies, les choses qui arrivent, tu dis mais ça c'est des choses qui sont pas bonnes, hein? C'est des choses qui sont pas bonnes, mais Allah il les a créées pour une sagesse, il y a un bien dedans. Peut-être que toi tu le comprends pas, mais Allah il le sait. Il y en a qui disent, ouais, mais pourquoi Allah, dans ce cas-là, il a créé la mort? La mort, c'est pas bon. Pourtant, tous les êtres humains, on va tous mourir. Mais parce qu'il y a un but dans ça. Il y a une sagesse derrière ça. Hein? Et s'il n'y aurait pas de mort, il n'y aurait pas de paradis. Il n'y aurait pas de résurrection. Il n'y aurait pas d'enfer. Il n'y aurait pas de jugement. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il y ait ça. C'est pour une sagesse. Hein? Pour nous mettre à l'épreuve. Il y a une sagesse derrière tout ça. En ce qui concerne les actions que nous faisons, donc c'est Allah qui les a créées aussi. Mais il faut faire la différence entre le fait que Allah l'a créé, et il ne faut pas penser que le fait qu'il les a créées, ça veut dire que c'est lui qui le fait. Non, c'est nous qui faisons nos actions. Mais c'est Allah qui les a créées, nos actions. Comme par exemple, c'est nous qui mangeons. C'est Allah qui a créé l'action de manger. Mais ce n'est pas lui qui mange, c'est nous qui mangeons. Hein? D'accord, donc c'est important de comprendre. Il dit, donc nous croyons que l'être humain, les serviteurs, ils ont une capacité de faire les œuvres. Allah nous a donné une qudra. On a une qudra, on a une capacité. Et il nous a donné aussi une mashi'a, une irada, une volonté. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une capacité et il nous a donné une volonté aussi. Donc on a une liberté d'action. والله هو خالقهم. Allah c'est, il est notre créateur. خالق مشيئتهم. C'est lui qui a créé notre capacité et c'est lui qui a créé notre volonté. C'est lui qui a créé nos paroles, c'est lui qui a créé nos actions. Il dit والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم. Donc les paroles et les actions que nous faisons, hein, eh bien elles nous sont attribuées à nous. Hein, quand on mange, c'est nous qui mangeons. Quand on dort, c'est nous qui dormons. Quand on fait du bien, c'est nous qui faisons le bien. Quand on fait du mal, c'est nous qui faisons le mal. Hein? Et c'est nous qui serons récompensés pour nos actions et c'est nous qui serons punis pour nos péchés. Hein? C'est pas comme les Jabriya, par exemple, qui disent on est forcé de faire ce qu'on fait, on n'a pas de choix, on n'a pas de volonté. On est comme une feuille dans le vent. Hein, qui est poussé par le vent. Donc ça, c'est faux. Non, on a une liberté, on a une capacité, on a une volonté. Et c'est pas comme les Qadariya qui nient la prédestination complètement. Ils disent non, on est complètement libre, il n'y a rien qui est écrit, il n'y a rien qui est prédestiné. Chacun, il décide lui-même de sa destinée. Donc c'est comme s'ils ont prétendu que chacun d'entre nous, on est des créateurs de nos actions. Hein. Et ça aussi, c'est une position d'égarement parmi les égarements. C'est comme s'ils ont soumis Allah à notre volonté et à notre pouvoir. Donc ils ont mis notre pouvoir et notre volonté au-dessus du pouvoir et de la volonté d'Allah. Ça c'est du kufr. Hein? C'est pas correct. Tandis que les autres, ils ont nié complètement en affirmant la volonté et la volonté et la capacité de l'homme. Ils ont complètement En affirmant la volonté et la puissance d'Allah, ils ont complètement nié que l'être humain avait une volonté et une capacité. Donc ça, c'est l'autre extrême. Les Jabriya, d'un côté, les Qadariya, de l'autre côté. Et les gens de la Sunna qui sont dans le juste milieu, qui ont harmonisé, qui ont accepté les textes de façon harmonieuse et qui ont compris que l'être humain, il a une volonté, il a une capacité, mais que sa volonté et sa capacité, elle est soumise à la volonté et à la capacité infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, toute yani, absolue et parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le Cheikh, il mentionne justement à ce sujet-là le verset 29 et 30 dans Sourate Al-Insan, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila wa ma tasha'una illa an yasha' Allah inna Allah kana 'aliman hakima. Donc regardez qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets. Allah, le cheikh dit, ils nous ont donné, et Allah nous a donné la capacité, hein, la force et le pouvoir de faire qu'est-ce qu'on veut. Et il nous a donné une volonté aussi. Mais en même temps, on ne peut faire excepté que par la puissance d'Allah et par la volonté d'Allah. Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie, ceci est un rappel, alors quiconque veut qu'il prenne le chemin de son Seigneur. Donc dans ce, ici, Allah affirme qu'on a la volonté. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Que celui qui veut prenne le chemin de son Seigneur. Ça prouve qu'on a une volonté. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Mais par contre, vous ne pouvez vouloir accepter, hein, si Allah l'a voulu. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Allah est certes omniscient et sage. Donc, t'as une volonté, mais ta volonté, elle est limitée par la volonté absolue d'Allah. Et Allah est omniscient et sage. Hein? Et il dit également, إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. C'est un rappel pour les mondes. Et quiconque le veut, alors, qu'il... Hein, pour que quiconque le veut puisse se mettre droit sur la droiture et hein, sur le droit chemin. Mais vous ne pouvez vouloir accepter si Allah l'a voulu, le Seigneur des mondes. Donc tu as une volonté, mais ta volonté elle est quand même pas au-dessus de la volonté d'Allah. Elle est limitée par la volonté absolue d'Allah. Ensuite, il mentionne le verset 286 dans Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Donc il dit, Allah ne met pas sur une âme une charge qui est plus lourde que ce qu'elle peut porter. Hein, ce qu'elle a acquis de bien, ce sera pour elle, et ce qu'elle a acquis comme péché sera contre elle. Et il cite également un autre verset. Donc, il dit, قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أي بسبب العمل. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va nous le donner en héritage, yani, à cause de nos actions. Et le cheikh, il dit ça dans le sens que par rapport au fait que si jamais Allah nous donne le paradis et qu'on rentre au paradis, eh bien, c'est pas que le paradis, on l'obtient en échange de nos actions, comme si c'était le prix du paradis. Parce que personne ne peut rentrer au paradis par ses actions seulement. On ne peut entrer dans le paradis que par la miséricorde d'Allah. Et si on devait payer pour rentrer au paradis et que ce serait par rapport au prix de nos bonnes œuvres, eh bien, nos bonnes œuvres à elles seules ne seraient pas suffisantes pour qu'on puisse mériter le paradis. Hein? Parce qu'une seule des grâces d'Allah vaut plus que toutes les bonnes œuvres qu'on peut faire dans le monde, dans cette vie. Et c'est pour ça que, hein, au jour de la résurrection, s'il y a quelqu'un, par exemple, comme il y a un hadith qui mentionne ça, que si quelqu'un il arrive au jour de la résurrection, il dit « Oh Allah, fais-moi rentrer dans ton paradis par mes œuvres. » Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Par tes œuvres, il dit, prends ton œil, mets-le dans la balance. Il prend son œil, il le met dans la balance, il voit qu'un seul de ses yeux pèse plus lourd que toutes ses bonnes œuvres qu'il a faites dans sa vie. Alors il dit, oh Allah, fais-moi rentrer au paradis par ta grâce. Et il rentre au paradis. Donc c'est pour dire, quand Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, nul n'entre au paradis par ses bonnes œuvres. Il a dit, même toi, ô messager d'Allah, il a dit, même moi. excepté si Allah me couvre de sa miséricorde. Donc, quand Allah il dit وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, le ba, les ulama ils ont dit c'est pas ba al-iwad, c'est ba al-sababiyya, ba bi-sabab al-amal, laysa bi-iwad, c'est pas en échange de tes actions que tu rentres au paradis, mais c'est à cause de tes actions. C'est-à-dire que les bonnes actions, c'est une cause pour pouvoir rentrer au paradis, mais ce n'est pas en échange de tes actions que tu rentres au paradis. Et il dit également dans le verset 14, dans surat al-Sajda, وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Également, si quelqu'un rentre en enfer, c'est aussi à cause de ses actions. Hein? C'est le résultat de ses actions. Et il dit, وقال تعالى, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Il dit dans Sourate Al-Zalzala, quiconque a fait un atome de bien, il le verra. Quiconque a fait un atome de mal, il le verra. C'est-à-dire que même des œuvres que tu vois petites, elles vont compter au jugement dernier. Et même que ce soit du bien ou du mal, Allah il va te demander des comptes pour ça. Et en même temps aussi, on ne doit pas dire, par exemple, ah mais si tout a été prédestiné, alors dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire des bonnes œuvres. On peut rester assis comme ça, on attend. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non. Quiconque, il a dit faites les œuvres. Parce que chacun, Allah va lui faciliter ce pourquoi il a été créé. Et il cite le cheikh à ce sujet-là, il dit, le fait que Allah a tout prédestiné, ça n'empêche pas qu'on doit faire les œuvres. On ne doit pas se reposer sur le qadar pour dire, ça y est, Allah a prédestiné, donc ça veut dire qu'on n'a plus besoin de rien faire, puisque tout a été écrit. Et il dit, et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a informé ses compagnons, que la prédestination avait tout ce qui va arriver a été prédestiné, a été écrit, et que cela va se produire, et que la plume a été séchée, c'est-à-dire la plume a été soulevée, l'encre a séché. Mais il a dit en même temps, quand les sahabas ont posé la question, est-ce qu'on doit juste donc se reposer sur ce qui a été écrit et laisser tomber les actions, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Faites les œuvres, chacun sera facilité pour ce pourquoi il a été créé. Et il a cité les versets dans Surat al-Layl, versets 5 à 10, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Ça veut dire que quiconque a donné des biens, il a fait des bonnes œuvres, il a donné en charité. Et il a été pieux, il a eu à taqwa, il s'est préservé des péchés, et il a fait les bonnes œuvres. Et il a cru en, yani la récompense et le bien, le paradis, Allah va lui faciliter la facilité. Allah va lui faciliter le bien et le paradis. Donc fais les œuvres, Allah il va te faciliter. Et il dit, et quiconque a été avare et il s'est senti suffisant à lui-même, comme s'il n'avait pas besoin d'Allah, et qu'il a démenti, il a traité de mensonge le paradis et l'au-delà, la récompense, Allah va lui faciliter la difficulté, c'est-à-dire le mal, et va lui faciliter l'enfer. Donc, chacun, il va avoir ce qu'il mérite. Faites les œuvres. Chacun sera facilité pour ce pourquoi il veut. Et si quelqu'un est sincère envers Allah et qu'il veut vraiment la récompense et le bien et le paradis et qu'il le cherche et qu'il demande à Allah de l'aider et de lui faciliter le paradis, Allah ne va pas le laisser, ne va pas l'abandonner. Inna Allah kana aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah il fait rentrer qui il veut dans sa miséricorde, mais si tu fais les causes pour le bien et que tu cherches le bien, tu vas y arriver. Donc, il y a les causes pour le paradis, il y a les causes pour l'enfer. Tu veux aller au paradis, tu fais les causes pour y aller. Tu veux la guidance, tu fais les causes pour l'obtenir. Tu veux aller en enfer, tu fais les causes pour y aller. Hein? Et puis, tu vas l'obtenir. Tu sais comment faire pour y aller, tu sais comment faire pour être égaré, tu fais les causes de l'égarement, tu vas être égaré. Et tu vas aller en enfer. Tu veux être bien guidé, tu fais les causes pour la guidance. Et tu veux aller au paradis, tu fais les causes pour y aller. Donc il dit فالمقادير لها أسباب. Donc les choses qui ont été prédestinées, elles ont des causes, أسباب توصل إليها. Donc il y a des causes qui amènent au résultat que tu veux. Il dit que ce soit dans les choses de la dunya, comme le mariage, tu veux avoir un enfant, il faut que tu te maries. Tu veux être un agriculteur, avoir une récolte. Hein? Eh bien, si tu veux, tu dois semer et récolter. Il dit, tu veux avoir le paradis, tu dois faire les bonnes œuvres. On a fini seulement. Hein? Oui. Il dit, et tu veux aller en enfer, tu fais les mauvaises œuvres. Amen. On va s'arrêter ici donc. On a complété les six piliers de la foi. On va s'arrêter ici. Et puis, Inch'Allah, on va s'arrêter, je crois, maintenant pour. On prend une pause. Ou bien on s'arrête pour. Le maghreb qui s'en vient et puis la nourriture aussi je pense inchallah barakallahu fikoum wa jazakumullahu khayran wa assalamu alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatuh subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.